professeur est introduit par cette petite porte. Et à ce moment-là, cette immense table autour de laquelle il y a tous les grands savants, tout le monde se lève. Les cours du Collège de France par Meryl Meneghetti. Pour vous voir entrer par là avec alors François Ier qui préside à tout cela, il y a vraiment un moment très émouvant. Voici comme chaque jour de cette semaine, conviés au cours du Collège de France, auquel s'associe France Culture pour partager une recherche en marche, appréhender les mutations et les enjeux de notre monde dans un esprit interdisciplinaire. Quelles sont les controverses autour d'Helvétius et de son égalitarisme, s'interroge le sociologue Pierre-Michel Menger dans sa grande enquête sur le talent. Comment faire coïncider l'intérêt personnel et l'intérêt collectif? Si vous êtes égalitaire, pourquoi êtes-vous si riche? Et comment l'héritage patrimonial peut-il être un obstacle à l'égalité des chances? Pourquoi le génie est-il si rare? Demande Helvétius. À de grands talents, de grandes passions, note-t-il. Comment la monomanie des scientifiques présentée dans les images publiques du XVIIIe siècle rejoint-elle son analyse? Et quelle a été la lecture d'Helvétius par Marx? Pierre-Michel Menger, titulaire de la chaire de sociologie du travail créateur, nous entraîne depuis l'an passé dans une grande exploration multidimensionnelle de la notion de talent, de la parabole biblique au succès actuel, au-delà des domaines artistiques, scientifiques et sportifs, dans le monde des entreprises, et notamment celle de la Silicon Valley, qui ont fait du talent une monnaie d'échange. Sa série intitulée « Qu'est-ce que le talent, élément de physique sociale des différences et des inégalités ?» avait montré l'an dernier comment le talent avait pu devenir une arme critique de la philosophie émancipatrice des Lumières et comment les inégalités avaient pu devenir acceptables selon les idéaux du XVIIIe siècle en se plaçant du côté du talent et de la dotation des individus et de la vertu qui faisait entrer en jeu la responsabilité. Pierre-Michel Menger soulignait notamment, et je le cite, « Le talent est certes un facteur de l'accomplissement individuel, mais une élite du talent doit se comporter tout autrement qu'une élite des privilèges du sang, du rang et de la richesse. D'où la complémentarité recherchée entre le talent comme capacité et la vertu comme conduite. » Dans le cours précédent, le sociologue a renoué avec les riches interrogations du XVIIIe siècle et sa présentation des controverses de l'égalitarisme s'est achevée sur la thèse égalitariste radicale du philosophe Helvétius et son immense succès de scandale. Alors jusqu'où va Helvétius et quelles ont été les critiques de son approche? Et nous gagnons l'amphithéâtre du Collège de France le 16 mars 2018 pour le cours de Pierre-Michel Menger, Différences, talent et éducation, les positions et les controverses sur l'égalitarisme, aujourd'hui, Helvétius et Marx. La thèse matérialiste de Helvétius lui vaudra d'être considérée par Marx comme un précurseur des thèses socialistes et communistes dans le livre de Marx qui s'appelle « La Sainte Famille ». En voici quelques extraits significatifs. C'est chez Helvétius, qui part également de Locke, que le matérialisme prend son caractère spécifiquement français. Helvétius le constate d'emblée par rapport à la vie sociale. Les propriétés sensibles et l'amour-propre, la jouissance et l'intérêt personnel bien compris, sont le fondement de toute morale. L'égalité naturelle des intelligences humaines, l'unité entre le progrès de la raison et le progrès de l'industrie, la bonté naturelle de l'homme, la toute-puissance de l'éducation, voilà les éléments principaux de son système. Quand on étudie les doctrines matérialistes de la bonté originelle et des dons intellectuels égaux des hommes, de la toute-puissance de l'expérience, de l'habitude, de l'éducation, de l'influence des circonstances extérieures sur l'homme, de la grande importance de l'industrie, de la légitimité, de la jouissance, etc., il n'est pas besoin d'une grande sagacité pour découvrir les liens qui le rattachent nécessairement au communisme et au socialisme. Si l'homme tire toute connaissance, sensation, etc., du monde sensible et de l'expérience au sein de ce monde, ce qui importe donc, c'est d'organiser le monde empirique de telle façon que l'homme y fasse l'expérience et y prenne l'habitude de ce qui est véritablement humain, qu'il y fasse l'expérience de sa qualité d'homme. Si l'intérêt bien compris est le principe de toute morale, ce qui importe, c'est que l'intérêt privé de l'homme se confonde avec l'intérêt humain. Enfin, si, d'après Helvétius, l'homme est formé par l'éducation, et il entend par éducation non pas seulement l'éducation au sens ordinaire, mais l'ensemble des conditions d'existence d'un individu, c'est-à-dire ce qu'il apprend dans sa vie quotidienne, dans tout ce qu'il perçoit, quand s'impose une réforme qui fasse disparaître la contradiction entre l'intérêt général et l'intérêt particulier, l'homme a d'autre part besoin, pour la réalisation d'une telle réforme, que sa conscience se transforme. On ne peut réaliser les grandes réformes, dit Helvétius, que cite Marx, qu'en affaiblissant la stupide vénération des peuples pour les vieilles lois et coutumes, ou, dit Marx en citant un autre propos d'Helvétius, comme il est dit ailleurs par Helvétius, en supprimant l'ignorance. Voilà les citations de la Sainte Famille qui sont consacrées à Helvétius. La reprise par Helvétius de l'héritage de Locke et des deux principes directeurs du comportement dont je viens de parler, recherche du plaisir, évitement de la douleur, vaudra d'ailleurs à Helvétius de figurer, je l'ai indiqué, parmi les précurseurs de l'utilitarisme anglais, dont le fondateur Jeremy Bentham reconnaîtra sa dette à Helvétius. Mais il est vrai que les dettes sont ici assez compliquées à assigner, puisque Helvétius lui-même doit beaucoup à la philosophie empirique anglaise et écossaise, Locke, Hume, et aussi à l'œuvre de Mandeville, l'auteur de la fable des abeilles. Comme l'écrit Persky dans son livre « Political Economy of Progress », il est raisonnable de créditer Helvétius d'avoir introduit le cas égalitaire dans l'économie politique. Mais Hume, en 1748, avait indiqué que sa conception des hommes était qu'au départ, ils sont sinon égaux, du moins très semblables. Il soulignait aussi que pour l'essentiel, les différences entre les individus venaient de leur éducation et non de leurs différences innées. Helvétius invita d'ailleurs Hume à traduire son « de l'esprit » en anglais, ce que Hume déclina. Hume pensait qu'Helvétius était allé trop loin, mais Hume recommanda ses lectures à Adam Smith en 1759. Donc nous avons affaire à une étonnante double postérité avec le cas de Helvétius, tant le marxisme d'un côté et l'utilitarisme et son axiomatique individualiste de maximisation des satisfactions de l'autre ont divergé profondément. Alors, l'éducation est, selon Helvétius, capable de tout changer, puisque l'éducation, dit-il, nous fait tels que nous sommes. Le propos s'appuie sur ces thèses empiristes qui dérivent les connaissances du pouvoir associatif de l'esprit, tel qu'il est modelé par l'expérience et les sensations. Mais alors, demande Helvétius, pourquoi le génie est-il si rare ? La phrase finale de l'esprit de Helvétius donne la réponse qui est politique. Il est certain que les grands hommes, dit-il, qui maintenant sont l'ouvrage d'un concours aveugle de circonstances, deviendraient l'ouvrage du législateur, et qu'en laissant moins à faire au hasard, une excellente éducation pourrait, dans les grands empires, infiniment multiplier et les talents et les vertus. Helvétius se livre à un curieux calcul pour expliquer la rareté actuelle du génie, ce qui, contrefactuellement, dessinerait les conditions d'une abondance des génies et des talents. Et ici figure le calcul d'Helvétius. Je vais le lire. « Si tous les hommes, dira-t-on, avaient une égale disposition à l'esprit, pourquoi, dans un royaume composé de 15 à 18 millions d'âmes, voit-on si peu de Turenne, de Rony, de Colbert, de Descartes, de Corneille, de Molière, de Quinault, de Lebrun, de ces hommes enfin cités comme l'honneur de leur siècle et de leur pays ? Pour résoudre cette question, qu'on examine la multitude des circonstances dont le concours est absolument nécessaire pour former des hommes illustres, en quelque genre que ce soit. Et l'on avouera que les hommes sont si rarement placés dans ce concours heureux de circonstances que les génies du premier ordre doivent en effet être aussi rares qu'ils le sont. Supposons en France 16 millions d'âmes douées de la plus grande disposition à l'esprit. L'hypothèse est égalitaire radicale. Supposons dans le gouvernement un désir vif de mettre ces dispositions en valeur. Si, comme l'expérience le prouve, les livres, les hommes et les secours propres à développer en nous ces dispositions ne se trouvent que dans une ville opulente, c'est par conséquent dans les 800 000 âmes qui vivent ou qui ont longtemps vécu à Paris qu'on doit chercher et qu'on peut trouver des hommes supérieurs dans les différents genres des sciences et des arts. Or, de ces 800 000 âmes, si d'abord l'on en supprime la moitié, c'est-à-dire, attention, les femmes dont l'éducation et la vie s'opposent au progrès qu'elles pourraient faire dans les sciences et les arts, qu'on en retranche encore les enfants, les vieillards, les artisans, les manœuvres, les domestiques, les moines, les soldats, les marchands, et généralement tous ceux qui, par leur état, leur dignité, leur richesse, sont assujettis à des devoirs ou livrés à des plaisirs qui remplissent une partie de leur journée, si l'on ne considère enfin que le petit nombre de ceux qui sont placés dès leur jeunesse dans cet état de médiocrité où l'on n'éprouve aucune peine que celle de ne pouvoir soulager tous les malheureux, où d'ailleurs l'on peut sans inquiétude se livrer tout entier à l'étude et à la méditation. Il est certain que ce nombre ne peut excéder celui de 6 000. Que de ces 6 000, il n'en est pas 600 d'animés du désir de s'instruire. Que de ces 600, il n'en est pas la moitié qui soit échauffée de ce désir au degré de chaleur propre à féconder en eux les grandes idées. Qu'on n'en comptera pas 100 qui, au désir de s'instruire, joignent la constance et la patience nécessaires pour perfectionner leur talent, et qui réunissent ainsi deux qualités que la vanité trop impatiente de se produire rend presque toujours inaliables. Qu'enfin, il n'en est peut-être pas 50 qui, dans leur première jeunesse, toujours appliqués au même genre d'études, toujours insensibles à l'amour et à l'ambition, naît, ou dans des études trop variées, ou dans les plaisirs, ou dans les intrigues, perdu des moments dont la perte est pour toujours irréparable pour quiconque veut se rendre supérieur en quelque science ou quelque art que ce soit. Or, de ce nombre de 50 qui, divisé par celui des divers genres d'études, ne donnerait qu'un ou deux hommes dans chaque genre, si je déduis ceux qui n'ont pas lu les ouvrages, vécu avec les hommes les plus propres à les éclairer, et que de ce nombre ainsi réduit, je retranche encore tous ceux dont la mort, les renversements de fortune ou d'autres accidents pareils ont arrêté les progrès, je dis que, dans la forme actuelle de notre gouvernement, la multitude des circonstances dont le concours est absolument nécessaire pour former de grands hommes s'oppose à leur multiplication, et que les gens de génie doivent être aussi rares qu'ils le sont. C'est donc uniquement dans le moral qu'on doit chercher la véritable cause de l'inégalité des esprits. Au moins, c'est très bien écrit. Les facteurs qui sont énumérés constituent un amalgame de facteurs de raréfaction et de mécanismes de sélection et d'autosélection. Des calculs de ce genre correspondent certainement à l'adhésion qu'avait Helvétius à une conception probabiliste de la causalité, qu'il dérivait de Hume. Mais la présentation assez confuse de ce crible probabiliste a certainement pu servir de prétexte à ses détracteurs pour récuser sa conception égalitaire comme un fatras de sophisme. En revanche, on discerne bien ici les ressorts dont a besoin Helvétius pour produire des différences individuelles de talent à partir d'un socle d'indifférenciation. Il invoque l'action simultanée du hasard, de l'éducation, des motivations, les passions, et d'un environnement favorable. L'égalisation des aptitudes ab initio pouvait-elle convaincre ceux qui croyaient pourtant au pouvoir de l'éducation et à la réduction des inégalités dues aux circonstances, comme aurait dit Helvétius? Condorcet, Diderot et plus encore Rousseau se sont montrés sceptiques à l'égard du radicalisme de Helvétius. Alors, il y a un autre problème à résoudre par Helvétius. Si l'esprit et la sensibilité du sujet sont entièrement façonnés par le flux de sensations et de perceptions auxquelles son environnement l'expose et qu'il doit mémoriser et apprendre à organiser, sommes-nous en présence d'un être entièrement passif, d'un jouet de force qui le façonne? La théorie des passions qui est développée par Helvétius doit précisément lui permettre d'écarter ce risque de figer la machine humaine dans un état de pure passivité sensorielle et de pure réceptivité cognitive. Mais comment une machine percevante peut-elle devenir une puissance active? C'est là que, je cite Helvétius, dit « Les objets que le hasard et l'éducation placent dans notre mémoire sont à la vérité la matière première de l'esprit, mais cette matière y reste morte et sans action, jusqu'au moment où les passions la mettent en fermentation. Ce sont les passions qui orientent le comportement individuel. Descartes avait réhabilité les passions, Helvétius les transforme en force de contrôle du comportement. Les passions sont les produits naturels du désir d'obtenir des expériences plaisantes et d'écarter des expériences pénibles pour l'individu, et elles prennent la forme d'un intérêt naturellement égoïste dans la vie en société. Toutes les manifestations de l'intérêt individuel, désir de reconnaissance, appétit de puissance ou de richesse, désir de bien-être, etc., aspiration au bonheur, procèdent des passions. Dans l'extrait que j'ai cité, on voit agir, dans l'extrait sur le faible nombre des génies, on voit agir des facteurs comme l'intensité du désir de s'instruire, la patience ou la constance nécessaire pour perfectionner ses talents, l'obstination ou la persévérance à travailler et le renoncement aux ambitions ou aux plaisirs inutiles. Ces facteurs, Helvétius les rassemble sous la notion de morale, qui est la véritable cause de l'inégalité des esprits. Ce sont maintenant, vous le savez, des soft skills qui font la différence. Tout égalitariste qu'il est, Helvétius proclame pourtant que les passions peuvent faire la différence. On peut songer ici, à propos de cette énergie des passions, notamment quand elle est invoquée pour expliquer la rareté des génies dans les arts et les sciences, on peut songer aux descriptions qui étaient faites au XVIIIe siècle de la monomanie de l'esprit scientifique. Et j'emprunte cette notion et la description à l'historienne des sciences Lauren Daston dans un essai, un chapitre intitulé « Monomanie in der Wissenschaft », la monomanie dans les sciences qu'elle a fait paraître en 2008. Lauren Daston fait l'inventaire des images publiques du travail scientifique obsessionnel telles qu'elles étaient rapportées dans les témoignages des scientifiques, dans les écrits philosophiques et littéraires, et dans les chroniques de la fin du XVIIIe siècle en Allemagne. Je rassemble ici quelques caractéristiques saillantes de ce que livre l'enquête de Lauren Daston. Dans ses témoignages et ses écrits, les scientifiques sont décrits comme saisis par le vertige de l'abolition de toute limite. Comme vous voyez, l'esprit prométhéen de la Silicon Valley ne date pas d'aujourd'hui, le no limit. Par le caractère addictif du travail, par l'insatisfaction perpétuelle des savants. Les ressorts de ces comportements sont ambivalents. D'un côté, il y a le plaisir céleste de se livrer sans modération aucune à la passion ou à la pulsion de savoir et aux délices du sentiment océanique d'extase que procure une découverte ou un résultat important et la tension heureuse de travailler à des entreprises de recherche qui ne peuvent pas connaître de terme, car la vérité n'est qu'un idéal asymptotique, ce qui conduit à trouver les plus hautes satisfactions dans la chasse aux résultats plutôt que dans la conclusion d'un travail, qui engendre toujours d'ailleurs une dépression autant qu'une délivrance. De l'autre côté, cette économie de l'excès se paye d'une désocialisation. Les savants sont décrits comme ayant une vie personnelle déséquilibrée, et qui fait souffrir leur entourage familial. Bref, la passion dévore tout pour vouer entièrement les individus au travail. Mais Daston montre d'ailleurs aussi comment, après les Lumières, l'image du travail scientifique cessera d'être présentée comme aussi compulsive et comment, à l'image d'une passion du travail pour lui-même, est substituée progressivement une morale un peu plus ordinaire et professionnelle du travail et de l'effort qui se traduit par une séparation entre la vision romantique de l'artiste d'un côté et la vision plus universitaire du savant. Mais tout de même, l'argument de l'engagement dans un travail qui n'a de sens que parce qu'il n'a pas de fin assignable et que le plaisir de la recherche est dans cette quête indéfinie demeure de même que l'image des coûts personnels que la vie savante fait subir à l'entourage. Donc, nous avons bien une matrice d'arguments à la fin du XVIIIe siècle qui montre qu'une partie du comportement d'un savant dérive d'une caractéristique structurelle du travail, qu'une autre dérive de l'héroïsation de la monomanie savante qui caractérisait plus particulièrement cette seconde moitié du XVIIIe siècle. Et les traits que recense Lauren Daston, qui ne cite d'ailleurs pas du tout Helvétius, ces traits, Helvétius les invoque à sa manière pour caractériser les entreprises ardues et glorieuses en les spécifiant de deux manières, dont l'une est conforme au tableau tiré par Daston des écrits de l'époque, mais pas l'autre. D'une part, le talent, c'est le domaine de l'excès passionnel sur la prudente gestion d'une vie équilibrée. Je cite ici un extrait d'Helvétius. « Un père veut qu'à de grands talents, son fils joigne la conduite la plus sage. Mais sentez-vous, lui dirais-je, parle Helvétius, que vous désirez dans votre fils des qualités presque contradictoires. Sachez que si quelque concours singulier de circonstances les a quelquefois rassemblés dans le même homme, elles s'y réunissent très rarement, que les grands talents supposent toujours de grandes passions, que les grandes passions sont le germe de mille écarts, et qu'au contraire, ce qu'on appelle bonne conduite est presque toujours l'effet de l'absence des passions et par conséquent l'apanage de la médiocrité. Il faut de grandes passions pour faire du grand en quelque genre que ce soit. Pourquoi voit-on tant de pays stériles en grands hommes? Pourquoi tant de petits catons, si merveilleux dans leur première jeunesse, ne sont-ils communément, dans un âge avancé, que des esprits médiocres? Par quelle raison, enfin, tout est-il plein de jolis enfants et de sots hommes? C'est que, dans la plupart des gouvernements, les citoyens ne sont pas échauffés de passions fortes. » Ça va dans le sens de la monomanie. Mais d'autre part, et contrairement à l'argument abstrait du désintéressement qui a souvent été évoqué pour qualifier la pureté des motivations dans la recherche scientifique, et Daston en fait état dans son chapitre, ou pour qualifier ce qu'on appellerait des motivations intrinsèques par opposition à des motivations extrinsèques, le désir de l'argent, Helvétius doit loger le comportement passionné dans un système d'analyse qui est fondamentalement individualiste, utilitariste et égalitaire. Les ressorts individualistes et utilitaristes de son système imposent de considérer que l'homme n'est mu que par son intérêt personnel et que son intérêt personnel consiste à rechercher les plus fortes satisfactions et à ne supporter les déplaisirs, par exemple l'effort du travail acharné, que moyennant la promesse et la récompense de plaisirs élevés. Mais comme Helvétius est aussi égalitariste, il lui faut trouver le moyen de faire coïncider la poursuite par chacun de son intérêt personnel avec l'intérêt collectif, faute de quoi le talent et ses récompenses deviendront des facteurs d'inégalité. Comment résout-il le problème? Helvétius combine les principes suivants. 1. La mise en œuvre d'une passion exige la concentration des efforts et des investissements sur un seul objet. C'est la première citation. On est passionné lorsqu'on est animé d'un seul désir et que toutes nos pensées et nos actions sont subordonnées à ce désir. L'on n'a que des goûts lorsque notre âme est partagée entre une infinité de désirs à peu près égaux. C'est donc l'unité ou du moins la prééminence d'un désir sur tous les autres qui constate la passion. Deuxième principe. Il y a une économie de la passion qui dicte la hauteur des investissements à faire en éducation et en effort. La force des passions est proportionnée à la difficulté de réussir. Or, il est d'autant plus difficile de réussir en un genre que plus d'hommes se sont exercés dans ce même genre et l'ont porté plus près de la perfection. Deuxièmement, qui n'est pas susceptible de cet extrême degré de passion ne doit point concourir avec de tels rivaux, mais s'attacher à des genres d'études dans lesquels il soit plus facile de réussir. Donc l'économie de la difficulté est bien là. Troisième principe, le désir de gloire est la seule motivation possible pour quelqu'un qui se livre à un tel travail passionné et acharné dans une société qui doit avoir aboli le despotisme et les privilèges héréditaires. Et il y a là les citations qui vont avec ce troisième point. La passion de la gloire est commune à tous les hommes qui se distinguent en quelque genre que ce soit, puisqu'elle seule, comme je l'ai prouvé, peut nous faire supporter la fatigue de penser. Je le prendrai pour moi aussi. On peut donc, sur le degré d'estime conçu pour les grands hommes, mesurer le degré de passion qu'on a pour la gloire et se déterminer en conséquence sur le choix de ses études. Rien de plus hardi que d'entrer dans la carrière où se sont illustrés les Corneille, les Racine, les Voltaire et les Crébillon. Pour s'y distinguer, il faut être capable des plus grands efforts d'esprit et par conséquent être animé de la plus forte passion pour la gloire. Quatrièmement, l'amour de la gloire, combiné à la concentration de l'effort de formation et de travail assure l'accès à la réussite, mais ce processus combinatoire est purement individuel et simplement et linéairement cumulatif. Et Helvétius dit « Je conclurai des principes établis dans ce chapitre que ce qu'on appelle esprit est en nous le produit des objets placés dans notre souvenir, de ces mêmes objets mis en fermentation, il aime bien cette image, par l'amour de la gloire. Ce n'est donc, comme je l'ai dit, qu'en combinant l'espèce d'objet dont le hasard et l'éducation ont chargé notre mémoire avec le degré de passion qu'on a pour la gloire, qu'on peut réellement connaître la force et le genre de son esprit. Il est en conséquence, donc il existe en conséquence, des méthodes sûres pour former des hommes de génie. Il détient la formule. Retenons qu'une théorie matérialiste, sensualiste et égalitaire se satisfait d'un schéma cumulatif. Avec suffisamment d'efforts et suffisamment de concentration d'efforts, l'individu parviendra, par cette méthode sûre, comme dit Helvétius, au génie. Ce qui peut contrarier la production de génie à coup sûr, c'est soit le défaut d'éducation, mais qui peut être corrigé dans une société mieux organisée, soit l'action de multiples facteurs aléatoires dont la liste figurait dans cette tentative d'explication de la rareté des génies. Donc, une solution simple serait d'admettre que ces facteurs aléatoires peuvent être placés sous le contrôle d'un législateur éclairé à travers sa politique éducative. Dans ce cas, les différences individuelles seraient entièrement assignables à des différences d'environnement, c'est-à-dire d'expériences sources d'apprentissage par impression et association. Et comme dit Helvétius, la science de l'éducation est simple, elle se réduit à placer les hommes dans le contexte qui va les forcer à atteindre les talents et les vertus qu'on attend d'eux. Une fois précisés les talents et les vertus requis par chaque profession ou secteur d'activité et les moyens requis pour organiser le système public d'éducation, le progrès social pourrait être durablement assuré. Mais alors comment, sinon par une multiplication d'arguments ad hoc, expliquer les différences d'intensité des passions et les différences de concentration monomaniaque dans les efforts et les apprentissages qui permettent d'exceller? Et là, Helvétius est obligé de recourir à une série d'arguments qui mêlent l'invocation du hasard, de naissance, d'éducation, de contexte social et une sorte de psychologie sensualiste des talents. On trouve ainsi, comme on l'a vu déjà, un éloge de l'excès ou de l'impossible rectitude des grandes passions à travers l'opposition entre les facteurs responsables du grand talent et ceux qui gouvernent la bonne conduite. Une question qui arrive maintenant, c'est toute cette construction suffit-elle à faire une société ? Quand on adresse à la théorie d'Helvétius la question que toute son entreprise vise, d'une certaine manière, à déloger de son orbite différentialiste, à savoir la question de la place à donner à l'individuation différenciée et à toute l'architecture des activités, des métiers et des emplois qui en dérivent, Helvétius donne une réponse politique simple. Premièrement, puisque les individus ne peuvent pas agir autrement qu'en poursuivant leur intérêt personnel et chacun pour soi, la seule manière d'organiser une société viable et égalitaire est de faire en sorte que les intérêts individuels coïncident avec l'intérêt commun. La formule c'est, je cite, « L'art du politique est de faire en sorte qu'il soit de l'intérêt de chacun d'être vertueux ». Pour aller au-delà de l'impression que tout ça peut être un vœu pieux ou une pensée mal construite, ou comme l'écrivait Adams à Jefferson, parce qu'Helvétius a été lu aux États-Unis, considéré comme un tissu d'absurdité, il faut essayer d'analyser un peu plus précisément cette relation entre l'intérêt particulier et l'intérêt commun qui soutient cette doctrine égalitariste et utilitariste d'Helvétius. L'argument d'Helvétius peut être reconstitué ainsi. Premièrement, les hommes ne sont pas mus par autre chose que la recherche du plaisir et l'évitement de la douleur et du déplaisir. Le seul moteur de leur action, c'est la recherche de leur intérêt à satisfaire leur appétit de plaisir et de gloire. Toutes les actions et tous les jugements des individus sont guidés par cette utilité qu'ont pour eux les objets des actions et des jugements. Deuxièmement, inutile de vouloir chercher au fond de l'âme humaine un principe qui permettrait de, pour parler comme Rousseau, de faire résonner la voix de l'intérêt commun ou de la volonté générale. Pour paraphraser cet argument de Rousseau sur l'intérêt général que chacun peut entendre en soi dans de bonnes conditions de délibération collective. La forme que prendrait l'intérêt commun dans un système radicalement utilitariste et individualiste pourrait être une passion primitive, personnelle et radicale pour l'égalité. Mais non, cette voie est aussi fermée par Helvétius. L'homme, uniquement préoccupé de lui-même, ne cherche que son bonheur s'il respecte l'équité, ce que son besoin l'y nécessite. Donc, pas de sophisme de type « faire société s'explique simplement par le fait que les individus seraient naturellement altruistes ». Comme disait Durkheim tout à l'heure, ça n'est pas la coopération qui crée la société, mais la société qui crée la coopération. Troisième point, l'exercice individuel de la vertu, qui servira à l'intérêt commun, n'est donc en rien fondé sur la répression de ses passions qui organisent la poursuite intéressée du plaisir. Le Collège de France et France Culture vous présente le sociologue Pierre-Michel Minger, Différences, talents et éducation, les positions et les controverses sur l'égalitarisme. Il y a un cinquième point, la recherche du bien commun rebondit sur le plan des conditions politiques et sociales extérieures, je viens de l'indiquer. Dans quel système politique a-t-on déjà vu les individus agir de façon simultanément intéressée et vertueuse ? Là encore, je m'appuie sur une lecture que donnait mon collègue Jean-Fabien Spitz de Helvétius. Helvétius cite le cas des républiques anciennes, et notamment celui de la République de Sparte et de son législateur Lycurgue, qui est une figure ou bien réelle ou bien une combinaison mythique de plusieurs hommes politiques, qui est réputé avoir promulgué une constitution égalitaire à la fin du IXe siècle ou au début du VIIIe avant notre ère. Et cette constitution imposait la redistribution des terres, la substitution d'une monnaie en lingots de fer à une monnaie en lingots d'or et d'argent pour faire cesser la thésaurisation, le bannissement de l'artisanat de luxe, une nourriture frugale prise en commun et la mise en place de l'éducation spartiate, obligatoire et dirigée par l'État. Donc on voit quel environnement peut modeler les comportements mus par l'intérêt personnel et par la recherche individuelle du plaisir pour qu'ils deviennent vertueux et servent l'intérêt commun. Ces conditions sont la démocratie, une valeur limitée accordée à l'argent dans une économie peu développée et une faible inégalité des conditions sociales qui, ensemble, permettent de donner sa pleine valeur à l'estime publique que chacun peut obtenir d'une action vertueuse. L'estime publique n'est rien d'autre qu'une haute gratification, une satisfaction purement individuelle, donc effectivement ajustée à l'axiome utilitariste, mais qui sert l'intérêt commun parce que les conditions sociales et économiques permettent d'en faire un moyen d'obtenir du plaisir et un pouvoir symbolique, de la reconnaissance. Quand Rousseau décrivait les antinomies du développement économique et démographique des sociétés et la complexification de celles-ci et leur impact sur les inégalités, il mettait exactement en avant les traits qui expliquent comment l'intérêt personnel devient un facteur d'inégalité, de rivalité, de conflit et de déséquilibre parce que, par exemple, les désirs excèdent les besoins, qu'ils deviennent illimités, qu'ils sont impossibles à satisfaire sans surenchère incessante, et l'imagination de chacun est trop fertile pour ne pas désigner sans cesse de nouveaux plaisirs qui ne peuvent être obtenus que par le déséquilibre social. D'ailleurs, Durkheim reprendra exactement cet argument. Dans la société qui sert de modèle à Helvétius, l'intérêt particulier conduit à se dévouer pour l'intérêt public parce que l'argent n'est pas abondant et que les écarts de richesse sont faibles. Dès lors, la recherche des honneurs et de la gloire sert tout ensemble l'intérêt commun, savoir se montrer vertueux et courageux, et l'intérêt individuel. C'est donc dans des sociétés démocratiques et faiblement développées que le plaisir individuel ne peut pas se loger dans l'accumulation de richesses ni dans la démonstration de supériorité sociale qui en dériverait. Est-ce que ces conditions peuvent être réunies dans des États modernes ? Leurs économies sont plus développées, les inégalités de recherche sont présentes, l'argent circule et devient source de plaisir individuel. Donc, aucune des conditions favorables à l'exercice de la vertu ne semble réunie. Le développement économique et démographique des sociétés conduit à une spirale inégalitaire. On le trouve dans l'argumentation d'Helvétius. Helvétius dit « la population augmente, les activités doivent se diversifier pour que de nouveaux produits rencontrent une demande, les échanges économiques se multiplient, le superflu dépasse le besoin, les entreprises tendent à se concentrer dans les agglomérations, les pauvres y sont attirés pour se procurer du travail, mais cet afflux fait baisser le prix du travail, les intérêts respectifs des négociants, des commerçants, des propriétaires et des travailleurs mal payés ou indigents sont de plus en plus divergents, l'intérêt général se dérobe. » En bref, dans une société très inégalitaire, les lois de l'action individuelle, c'est-à-dire la recherche de son intérêt personnel, ne peuvent plus du tout s'accorder avec le service de l'intérêt commun. Alors, quelle voie trouver ? Il y a deux lectures d'Helvétius qui sont possibles, comme l'indique un très bon article de David Wooten, qui s'intitule « Helvétius from Radical Enlightenment to Revolution », qui est paru en 2000. La première lecture est pessimiste. Soumis à la croissance démographique de leur population, les sociétés doivent faire croître l'économie d'entreprise, la production et les échanges marchands, et la spécialisation des fonctions et des emplois, et tous ces facteurs sont inévitablement générateurs d'inégalités. La seconde interprétation est plus volontariste et recommande non pas d'abolir les conditions de la croissance économique, mais de comprimer les inégalités. Et par quels moyens ? Par un couple puissant de réformes, premièrement la généralisation de l'instruction, et deuxièmement la réforme de l'héritage par une forte redistribution des richesses établies sur la propriété foncière. La première solution est directement évoquée dans De l'esprit, je l'ai déjà dit. La seconde solution, l'abolition de l'héritage ou la redistribution massive, n'est mentionnée que très allusivement dans De l'esprit, et elle est assortie d'une sorte de résignation pessimiste, car recourir à la confiscation de la propriété privée pour la redistribuer supprimerait la production et l'échange économique, dit Helvétius. Il faudrait avoir recours à un nouveau partage des terres, partage toujours injuste et impraticable. Il est donc évident que le luxe parvenu à une certaine période, il est impossible de remettre aucune égalité dans la fortune des citoyens. Mais il y a une formule plus offensive. Comme l'indique Wooten, la solution redistributive qui est évoquée dans des notes à un commentaire qu'Helvétius a fait de l'esprit des lois. Dans ces notes, Helvétius récuse certes le communisme qui exténue toute motivation à l'effort et la confiscation agraire dont l'effet ne serait que temporaire, tout comme il se méfie des mesures autoritaires de restriction qui, pour décourager les désirs individuels de recherche de plaisir, et pour les aligner sur les seuls besoins du strict nécessaire, imposerait la frugalité dans la consommation. Helvétius recommande de rendre tous les enfants d'une même famille égaux devant l'héritage, comme la Révolution française le proclama, du moins formellement, cette fois-ci de manière plus substantielle, et cela comme un moyen de freiner la reproduction des inégalités entre les générations. Helvétius n'a pas donné une élaboration plus avancée de son idéal de convergence entre les intérêts particuliers et l'intérêt général dans les sociétés avancées. Et son appel à l'intervention du législateur pour réduire les inégalités demeure... Maintenant, j'en reviens après ce long passage sur Helvétius, je reviens à mon propos introductif. L'étude des arguments de Helvétius met en évidence une solution radicale d'égalisation par suppression de la part non transférable et par basculement de toute la différenciation individuelle du côté de ce qui peut faire l'objet de transfert, et d'abord par l'action éducative, ensuite par la compression des écarts de richesse et enfin par le verrouillage des transmissions patrimoniales intergénérationnelles. Bien sûr, la radicalité du schéma souffre de beaucoup d'incomplétudes argumentatives du côté de la conception sensualiste de l'individu et de son développement, et souffre aussi de contradictions internes dans la construction politique d'une société égalitaire. Ces contradictions ont été soulignées par Marx ou par Plekhanov, par exemple. Le paradoxe de la construction de Helvétius, c'est celui-ci. Pour que l'individu se développe complètement et agisse au lieu d'être une machine passive, condamné à enregistrer et à ordonner ses perceptions, il faut faire agir le levier des passions. Mais ces passions ne font que pousser l'individu à vouloir se développer le plus complètement possible. Et pour que l'intérêt individuel et l'intérêt collectif coïncident, il faut comprimer les écarts de richesse au maximum, ce qui débranche, en quelque sorte, la recherche de satisfaction matérielle des individus, et il faut faire porter sur des buts symboliques, estime, gloire, pouvoir social, toutes les incitations dont a besoin la passion de chaque individu pour agir et se développer autant qu'il est souhaitable. Autrement dit, chaque individu peut espérer recueillir l'estime de tous les autres en se montrant intéressé à l'action vertueuse. La recherche de la réussite talentueuse, qui requiert beaucoup de sacrifices et beaucoup de passion pour la gloire, et que Helvétius réfère essentiellement aux arts et aux sciences, est bien présente, puisqu'elle doit être rendue accessible à tous grâce aux méthodes sûres pour former des hommes de génie. Mais cette recherche de la réussite et de la gloire admet-elle ou non la rivalité et l'échec? Si elle n'admet pas l'échec, elle viole l'évidence, puisque la gloire suprême est obtenue dans les activités les plus difficiles, a dit Helvétius, et que des activités qui sont difficiles mais qui n'admettent pas l'échec ne sont pas difficiles. Ou alors, ce sont des activités dans lesquelles l'effort seul compte et où l'homme robot, à force d'effort, accumule tout ce qu'il faut pour apprendre à réussir. Une telle conception serait évidemment d'une grande naïveté. Et si une activité difficile admet l'échec, c'est que la méthode pour former des hommes de génie n'est plus si sûre. Voilà le problème. Donc nous approchons du diagnostic. Un égalitarisme radical doit supprimer et les interactions de rivalité et les échecs possibles. Et il doit substituer à des rivalités de pouvoir matériel de simples ambitions de pouvoir symbolique, sans qu'on sache si ce pouvoir symbolique peut se convertir en domination sur autrui. Et comment cela est-il possible? Par la raréfaction des ressources et par la non-transmission générationnelle d'aucun actif privé non transférable. La raréfaction des ressources et des richesses permet d'écarter a priori tout enjeu d'enrichissement aux dépens d'autrui, puisqu'il n'y a pas grand-chose à obtenir de la compétition. Mais dans ce cas, comment une société développe-t-elle des ressources matérielles, artistiques et scientifiques? Le modèle économique hésite, on l'a vu, entre un réalisme pessimiste et un optimisme idéaliste et abstrait. Marx admirait l'audace de Helvétius, mais critiquait son utilitarisme individualiste qui lui interdit de voir comment, dans une société, les individus qui partagent une même condition peuvent avoir des intérêts communs, autrement dit des intérêts de classe, et peuvent avoir intérêt à agir collectivement pour imposer une solution politique plutôt que de compter sur un législateur bienveillant et démocratiquement approuvé par tous les membres de la société pour imposer son modèle égalitaire frugal et dispensateur d'honneurs et de gloire non monétisables. En fait, l'œuvre de Marx elle-même peut être lue, en partie bien sûr, comme un traitement de la question des différences interindividuelles quand l'idéal auquel l'individu peut aspirer, une fois dépassé les entraves de l'aliénation et de l'exploitation, est de se réaliser dans l'essence de son humanité, sans que des écarts de conditions de richesse viennent transformer cet idéal de réalisation de soi en une machinerie concurrentielle avec des vainqueurs et des vaincus. Marx, dès ses manuscrits de 1844, a adhéré à un programme qu'on peut dire aristotélicien, avant de l'insérer dans sa théorie matérialiste et sa critique du capitalisme et des sociétés de classe, dont le communisme réaliserait le dépassement en tirant parti de tous les progrès scientifiques et techniques accumulés par le capitalisme. Ces progrès permettraient d'atteindre un développement économique tel que l'obstacle de la rareté des ressources serait levé, et avec lui, tout ce qui provoque la compétition entre les individus et la division étroitement spécialisée et productiviste du travail. Je rappelle en effet que l'existence d'une société de concurrence et de conflit de classe repose, selon Marx, sur la réunion de quatre conditions dont la suppression définirait, selon lui, l'au-delà d'une société capitaliste de concurrence. Ces quatre conditions sont la rareté des ressources, qui provoque la compétition pour l'obtention et le contrôle de celle-ci, la spécialisation excessive des apprentissages et des compétences productives, qui conduit à exploiter sans frein les inégalités de capacité d'accomplissement des individus dans telle ou telle activité, en fonction de leur dotation initiale et des chances inégales que leur procure leur environnement familial et social. Troisièmement, la mise en comparaison et en évaluation relative systématique des individus pour sélectionner et spécialiser les qualités individuelles au vu de leur inégal niveau et de leur inégal potentiel. Et quatre, l'appropriation privée des moyens de production qui définit l'opposition des intérêts de classe et l'intérêt inégal que trouvent les employés et les entrepreneurs au plein développement de leurs excellences productives respectives. Ici, chez Marx, les quatre facteurs doivent être inversés. On est en présence d'une abondance de ressources dans la société à laquelle il aspire, d'une situation de coopération généralisée au lieu d'une situation de compétition généralisée, d'un libre déploiement non comparatif des capacités individuelles et d'une suppression de la propriété privée des moyens de production. Et si c'est le cas, l'idéal égalitaire ne sera plus simplement socialiste méritocratique, c'est-à-dire à chacun selon sa contribution de travail, mais aboutira à une égalisation radicale des conditions qui sera fondée sur un mécanisme d'individualisation non rivale, à chacun selon ses besoins en fonction de ses aptitudes. Notons que dans le schéma marxien, ce principe tolère ou même fait droit à des différences individuelles d'aptitudes, mais désormais, ces différences n'ont plus de prise sur les relations sociales et économiques entre les individus, puisque la division du travail aura été abolie et que lui sera substitué un monde dans lequel chacun pourra exercer ses capacités dans différentes activités sans redouter d'être comparé à autrui et classé dans une échelle de productivité. Il en résulte une forme assez paradoxale d'individualisme indifférencié. Les individus ne peuvent pas interagir autrement que selon le principe d'une relation d'identité par symétrie, c'est-à-dire selon une structure de miroir qui place, comme le dit cette célèbre citation des manuscrits de 1844, deux libertés et deux individus complets en face à face et qui se donnent à eux-mêmes leurs propres règles, qui sont autonomes. La citation dit « Supposons que nous produisions comme des êtres humains, chacun de nous s'affirmerait doublement dans sa production, soi-même et l'autre. Nos productions seraient autant de miroirs où nos êtres rayonneraient l'un vers l'autre. » Il paraît assez difficile d'imaginer un monde d'activité dans lequel il n'existerait plus du tout de spécialisation des tâches et des rôles professionnels, ni de comparaison interindividuelle, ni d'orientation préférentielle des individus vers les activités dans lesquelles ils peuvent se procurer le plus sûrement la satisfaction de s'accomplir. Marx parle bien de surmonter les épreuves pour écarter l'objection selon laquelle tout travail est tranquillement assuré de réussir, sans effort. Mais il en va chez Marx comme chez Helvétius, la difficulté n'est jamais l'incertitude. Et rappelons-nous que Helvétius avait une méthode sûre pour produire des génies, c'est-à-dire des individus œuvrant dans des activités difficiles. Le seul facteur contrariant dans une conception basée sur une distribution a priori égalitaire des capacités, ce sont des aléas entièrement indépendants des caractéristiques et du comportement de l'individu. Donc cette conception appartient à une famille de modèles dans lesquels des distributions très inégalitaires de résultats sont entièrement fondées sur des facteurs aléatoires hors de portée des individus. Ces facteurs aléatoires sont entièrement exogènes. Mais ils deviennent endogènes. S'ils deviennent endogènes, c'est qu'ils peuvent affecter les relations entre les individus. Une incertitude endogène, c'est notamment une incertitude stratégique dans une situation d'interaction. Je ne sais pas comment autrui va se comporter parce qu'autrui a des caractéristiques, des préférences, des intérêts, des appréciations de la situation qui ne coïncident pas forcément avec les miens, qui peuvent même s'opposer aux miens. Et donc, le levier de la transformation des différences individuelles en facteurs d'incertitude stratégique, c'est la rareté des ressources qui déclenche les situations de compétition ou de rivalité pour la conquête, la détention durable ou la réallocation de biens rares ou d'avantages individuels. Un titre scolaire, une position professionnelle, une part de marché pour des produits, un succès dans une compétition, etc. Et les activités dans lesquelles la compétition est la plus incertaine sont précisément les activités qui comportent le plus de variabilité dans les facteurs responsables de la réussite. Il en va ainsi parce que l'activité est non routinière et qu'on n'est pas assuré d'arriver au terme de l'entreprise une fois qu'on s'y est engagé. On doit apprendre, faire des erreurs, rectifier, abandonner les voies sans issue. Ensuite, parce que la concurrence est présente et que ce que je peux trouver, d'autres le trouveront aussi, peut-être tout juste avant moi. Ça, c'est le fameux cas des découvertes simultanées qu'avait mis en avant Robert Merton pour montrer le coefficient d'aléa dans la recherche scientifique où sont présents de multiples compétiteurs. Enfin, parce que le jugement porté sur la valeur de ce qui est produit comporte beaucoup d'éléments difficiles à contrôler. Les préférences d'un public, les effets de contagion d'un succès, manœuvrables par le marketing ou déclenchés par le bouche à oreille puis amplifiés par le marketing, etc. On aura deviné que tous ces facteurs sont présents dans l'innovation, dans la quête d'originalité artistique, dans la découverte scientifique, dans le risque schumpeterien des entrepreneurs. Ce sont les domaines par excellence de la course au talent et de l'expression des talents. Donc, incertitude extrinsèque, incertitude intrinsèque et différenciation individuelle font système. Les exigences du modèle marxien en donnent en quelque sorte la démonstration à contrario dans le modèle de contre-société qu'il dessine. S'il n'y a pas de rareté des ressources, il n'y a pas de concurrence pour s'approprier ce qui est rare. Et s'il n'y a pas de concurrence interindividuelle, votre talent ne vous procurera pas un avantage puisqu'il n'y en aura pour chacun selon ses besoins dans un univers sans rareté. Reste la question de la division du travail. Comment se perfectionner sans se spécialiser ? Oui, on peut, dit Marx, mais la spécialisation, c'est la mutilation des capacités multiples de l'individu. C'est une sorte de réduction de l'humain à une machine unidimensionnelle, un thème fameux de la critique marxiste et post-marxiste du travail jusqu'à Marcuse, Castoriadis ou André Gortz. D'où l'éloge par Marx de la polyvalence et de l'irréductible multiplicité des capacités avec une seule contrainte qui est fixée à leur développement, qui était autrefois la rareté des ressources, qui était insuffisante, pas assez d'opportunités, pas assez de temps, pas assez de tolérance à l'égard des vitesses variables d'accomplissement individuel, tout ceci doit être supprimé. Dans le modèle marxien, la distribution des talents ou des capacités productives peut être tout à fait normale, et il peut se faire que certains soient plus doués pour les mathématiques, d'autres pour le travail sur bois, d'autres pour le jardinage, d'autres pour la poésie. Mais un, chacun devrait pouvoir pratiquer toutes ses activités sans la pression de la comparaison et de la concurrence, et aucun échec n'est concevable. Et deux, le bénéfice de ces différences sera collectif, car la différence sera un bien non rival. Si vous avez suivi le raisonnement sur Helvétius, Helvétius partait en fait de prémices opposées, mais pour atteindre un but de démocratie égalitaire. Les ressources sont rares, les capacités sont égales, seule l'éducation et les circonstances créent des écarts dont l'offre égalitaire et intensive et le contrôle politique des circonstances peuvent permettre d'égaliser les effets et permettrait à chacun de poursuivre le plus loin possible sa maîtrise d'un métier, d'une activité, d'un engagement passionné dans une activité. Chez Marx, la division du travail doit être abolie. Chez Helvétius, c'est une donnée et même une nécessité pour que la satisfaction individuelle soit atteinte et l'ambition de la gloire récompensée. La certitude de réussir est la même dans toutes les activités, mais la quantité d'efforts et d'apprentissage n'est pas la même dans tous les métiers. Et pour que l'effort puisse être motivant, dans un raisonnement utilitariste, il faut des récompenses compatibles avec le système social désiré, à savoir l'estime d'autrui et la gloire, mais sans profit monétaire. On peut modifier les problèmes de base. Adam Smith ne voit pas de difficultés. Je suis encore dans le XVIIIe siècle et sa postérité ne voit pas de difficulté à admettre que les individus ont à l'origine des capacités égales. Pour lui, cependant, c'est la division du travail et la variété des métiers qui sont dotés de multiples caractéristiques productrices de différences. Niveau de formation plus ou moins élevé, quantité d'efforts, pénibilité plus ou moins grande à compenser, rémunération. Tout ça crée des écarts de développement des capacités individuelles et des récompenses, mais la société y gagne aussi, selon Adam Smith, en productivité et en gains à l'échange sur la base des différences individuelles. En fait, le raisonnement de Adam Smith fait intervenir un facteur cumulatif de différenciation, mais à partir de l'architecture des métiers. Et la question des capacités initiales ne l'intéresse pas, il est bien d'accord qu'il peut la rendre égale pour tous, c'est à partir de l'architecture des métiers que va se déclencher la différenciation. Donc, à partir de prémices qui sont celles qu'on peut retrouver chez Helvétius et d'un argument de différenciation des métiers, on peut admettre des égalités de capacité au départ, à condition d'accepter la différenciation des activités ensuite. C'est ce que Marx veut récuser de son côté. Collège de France, vous venez d'écouter le 16 mars 2018 le cours de Pierre-Michel Menger, aujourd'hui différence, talent et éducation, les positions et les controverses sur l'égalitarisme, Helvétius et Marx. Sur les sites de France Culture et du Collège de France, vous retrouverez tous les liens, la bibliographie, la vidéo et les informations autour de cette diffusion, ainsi que l'ensemble des cours de Pierre-Michel Menger. Je rappelle son dernier livre, dirigé avec Simon Paille aux éditions du Collège de France, Big Data et traçabilité numérique, les sciences sociales face à la quantification massive des individus. Prise de son, mixage Jean-Michel Bernot. Réalisation Ghislaine David. Présentation Meryl Meneghetti. Demain, nous poursuivrons notre enquête autour du talent et des controverses sur l'égalitarisme en compagnie de Pierre-Michel Menger. Et dans quelques instants, nous retrouvons les petits matins. Belle journée à l'écoute de France Culture.